Le dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée, Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté les exercices tactiques de traversée et d'attaque divers du régiment de tanks et d'infanterie blindée renforcée. Les exercices sont destinés à habituer les troupes de tanks et d'infanterie blindée à la coopération et aux méthodes d'action de combat pour procéder à la traversée forcée et à la poursuite afin d'exterminer à l'aide de l'aviation les ennemis engagés en toute hâte à la défense pour ainsi vérifier la réalité du plan de combat opérationnel et achever davantage les préparatifs de combat. Le commandant suprême Kim Jong-un a tout d'abord écouté au poste de surveillance la décision du chef du 1er régiment de tanks et d'infanterie blindée de la division de tanks 105 Lugyong-su-Séoul, lauréate du titre Guni, avant de lancer l'ordre de commencer les exercices. Après la reconnaissance de génie, les militaires qui ont traversé sur glace comme l'éclair ont attaqué par surprise les côtes ennemies dominantes sur l'autre rive avant de déplacer en profondeur, alors que les moyens de frappe de feu du régiment ont frappé des points d'appui ennemis. Ensuite, des hélicoptères armés appelés pour renfort à feu par le régiment sont apparus l'un après l'autre au-dessus de la cible pour infliger le raid aérien impitoyable. Le commandant suprême a dominé avec satisfaction les actions de combat aérien des hélicoptères armés qui lancent les coups de feu sur les ennemis et les a appréciés haut. Il a complémenté que les militaires de la troupe chargée de la progression exécutent à merveille leur mission et que leur action évoque un combat réel. Se montrant joyeux de la réussite des exercices, Kim Jong-un a apprécié haut que la division de tanks 105 Lugyong-su-Séoul, lauréate du titre Guni, renommée comme le plus fort point de l'armée populaire, est vraiment différente. Il a dit « Conformément aux particularités naturelles, géographiques, climatiques et météorologiques de notre pays, entouré comme rempart des cours d'eau et des montagnes abruptes, et dont les différentes influences de saison sont exercées aux actions de combat opérationnelles, l'armée populaire doit à l'avenir organiser beaucoup plus d'exercices intensifs pareils aux combats réels comme aujourd'hui, suivant les saisons et sans égard aux jours et nuits et au temps, pour étudier et achever sans cesse les méthodes de combat et enrichir des expériences de bataille. Tous les tanks et forces blindées de l'armée populaire doivent se préparer à s'acquitter en toute indépendance et activement de toutes les missions de combat opérationnelles de façon à surmonter d'un seul trait des montagnes, marais et cours d'eau dans la zone d'opération d'attaque de la Corée du Sud et à abattre comme l'éclair les impérialistes américains et les fantoches sud-coréens. Ce disant, le commandant suprême Kim Jong-un a donné les instructions précieuses de valeur de guide pour achever les préparatifs de combat de l'armée populaire, comme disposer dans toutes les troupes chargées de la progression les nouveaux équipements de traversée hivernale de type nouveau à la coréenne, dont la capacité de combat est vérifiée dans les derniers exercices, moderniser à un haut niveau les matériels et autres équipements de traversée conformément à notre réalité, et rehausser le niveau de modernisation et téléguidage des matériels de reconnaissance de génie. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a invité les militaires de l'armée populaire à prendre toujours conscience du fait que leurs exercices décident de la réunification de la patrie et que le renforcement de l'armée promet la progression victorieuse de notre révolution et l'avenir rose de la patrie socialiste, et à soulever vivement la campagne des exercices Baek Tusan comme l'exige l'orientation du parti de la révolution dans les exercices.